Soutien Viva for Life. Il est 2h. Mickaël Menten pour vous informer. Bonsoir à tous. Les éleveurs de porcs et les autres acteurs de la chaîne sont parvenus à un accord ce soir. Les abattoirs, les transformateurs, mais aussi la grande distribution se sont engagés à aider les éleveurs. Ils financeront un fonds de solidarité à hauteur de 15 millions d'euros. Aujourd'hui, le secteur porcin est en crise. Les éleveurs produisent à perte en cause l'embargo russe, mais aussi la surproduction au niveau belge et européens. Les éleveurs ont signé l'accord qui leur a été proposé, mais sans grand enthousiasme. Ils attendaient un engagement beaucoup plus fort et restent inquiets pour leur avenir. Le Front commun syndical de la SNCB maintient son préavis de grève en janvier. Il réclame la désignation d'un préconciliateur pour clarifier la situation d'ici le 31 décembre et examiner les pistes possibles. Le préavis de grève est donc maintenu pour 5 jours. Il s'agit du 6, du 7, du 21, 22 et 23 janvier prochains. Boko Haram empêche 1 million d'enfants d'aller à l'école. Déclaration de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Plus de 2000 écoles ont été fermées au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger, les 4 pays les plus affectés par les attaques de la secte islamiste. Selon UNICEF, des centaines d'autres établissements ont été attaqués, pillés ou incendiés par les djihadistes. La suite du procès à la FIFA, c'est un logiciel spécial qui aurait permis, selon une source proche de la FIFA, de repérer le versement controversé entre Sepp Blatter et Michel Platini. Les deux hommes ont été suspendus ce lundi de toute activité liée au football pour 8 ans. Sepp Blatter et Michel Platini ont décidé de faire appel de leur suspension. Et puis le sportif belge de l'année, Kevin De Bruyne, a inauguré son titre ce soir par une défaite avec son équipe Manchester City. C'était face à Arsenal, 2-1 pour les Gunners. Kevin De Bruyne qui a joué l'entièreté du match. Merci de nous écouter. Les maracas Viva for Life Belfius et faites-vous entendre pour les enfants défavorisés. Belfius, nous nous engageons à 100% pour Viva for Life. Viva for Life. Viva for Life. De 2h à 6h avec Cyril. Ça y est, ça fait quelques minutes qu'on m'a lancé le défi de monter un banc et bah, j'ai déjà les doigts tout abîmés en fait. Hein. C'est ça la vraie ficelle. Voilà. C'est les ficelles béaba du scoutisme. Soirée feu de camp aujourd'hui, on m'apprend à être scout, ce que j'ai jamais voulu être dans ma vie. Et... j'ai l'impression que t'aimes déjà un peu mieux que tout à l'heure. Bah, c'est-à-dire que c'est hyper strict hein, votre montage de banc. Il n'y a pas que ça qui va être strict. Alors que moi je fais ma technique, je suis sûr, on va voir ça en image tout à l'heure. Vous allez voir que le banc monté à ma façon, il va tenir. Et ça va pas respecter des règles de scout. Je ne suivrai pas des règles de scout, monsieur. Attention, Nicolas Xavier et moi-même devons pouvoir tenir sur ce banc. Exactement. Sans qu'il s'effondre. Pendant 2 minutes. C'est ça la condition sine qua non pour que le défi soit réussi. Et pourquoi est-ce que vous devriez vous asseoir ? Parce qu'on est un peu invité ce soir, non ? Bah vous avez des tabourets, ça vous suffit pas ? Ouais, donc dis donc, comment ils sont exigeants ceux-là. Bon, on va aller à la boîte aux lettres. Il y a Père Noël qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va ? Comment allez-vous ? Bah, très bien. Et vous, c'est très quoi bien. Votre prénom ? Salut. Ça va mieux, Cyril ? Ouais, c'est gentil. Oui. Bah vous savez, on a plein de témoignages qui nous touchent énormément. Hein. Quand on voit la misère du monde, hein ? Bah c'est gentil de passer nous voir en place de la digue. Dans la cagnotte. Vous donnez combien dans la cagnotte ? 40 euros. Eh ben merci beaucoup, monsieur, c'est super gentil. Alors, vous souhaitez une bonne soirée. Merci d'être passé nous voir. Monsieur, vous avez une très grosse barbe quand même. Hein. C'est combien d'années d'entretien ? Tu lui diras. Combien d'années d'entretien la barbe ? Pour une quarantaine. Ah oui, quand même. Oh. Vous avez parqué les rennes où ? Il fait trop chaud pour les rennes. Ah oui, c'est pour ça. C'est le réchauffement climatique, ça, monsieur. Ils sont toujours à la Laponie. Hein. Allez. Bonne soirée, monsieur. Bonne continuation. Et bon travail le 25. Hein. 24 au soir. Des forces. Il y a quelqu'un avec nous au téléphone, c'est Olivier. Bonjour, Olivier, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va, Olivier ? Ça va très bien. Vous faites quoi de beau cette nuit ? Je vous regarde. Bah, c'est gentil. Et vous souhaite êtes... je vous souhaite surtout du courage pour monter votre banc. Ben alors, le banc se monte. Je n'y crois pas trop. C'est quoi ton totem encore ? Quoi, Muscardin. C'est celui qui fait tout à la place. C'est l'espèce de petite souris. Ouais, c'est ça, mais Muscardin est en train de monter le banc à ma place. Donc si tu continues comme ça, je pense qu'il sera bien. Je te laisse encore 10 minutes pour le finir. Sois bon, je surveillerai. Vous choisissez la musique, on la partage ensemble. Et vous avez choisi quoi? Allô? One de YouTube, j'ai choisi. Ah, c'est très bien, ah, ça. Ouais. Ah, eh bien, oui. On écoute ça maintenant. Des fois, les bonnes causes, c'est comme vous. Qu'on explose le retour de l'année dernière. Eh ben, grâce à vous, on va peut-être y arriver, on l'espère en tout cas. Bonne soirée, merci d'avoir participé, à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Viva for Life. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share. Vivacité en direct sur le Live Center RTBF et sur la Une aussi avec Nicolas, Xavier Ladouce, Olivier Colle qui sont avec moi. Le défi de monter un banc est en cours. Ça va le montage du banc, Cyril? Ouais, je suis plutôt pas mal sur le montage du banc. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, j'ai à peu près rien touché. Enfin, j'ai attaché deux bouts de poids. Oui, oui, oui, oui. J'ai avec quand même une technique bien particulière. Vous allez pouvoir suivre ça. C'est-à-dire que normalement, comment vous appelez ça? Il faut... C'est un brelage. Il faut faire un brelage. Un brelage, oui. Mais moi, j'ai fait un truc branlant. Enfin, c'est pareil, il y a des lettres communes. Oui, attention, parce que la solidité du banc dépendra. De la solidité du banc dépendra la difficulté des épreuves de la totémisation. D'accord. Bah écoute, on verra tout à l'heure. Fais un bon banc, parce que ça dépend. Mon totem dépend de toi. Hein. Sois bon. Le pauvre, il en peut plus. On a déjà demi muscardin avec nous. Muscardin qui monte le banc à ma place. Mais je lui ai promis, je t'achèterai un bloc de massepain plus tard quand je sortirai, quand je pourrai. Je ferai mon geste pour les scouts. Qu'est-ce que c'est ? Et Audrey, elle vient pas faire un bisou, quoi. Comment elle est? Je vous explique, il y a mon ancienne équipe radio qui est arrivée. Comment ça va? Super. Vous êtes en forme? Bah oui. Eh ben, ça a changé d'habitude parce que pendant 2 ans, on a fait de la radio ensemble. Vous étiez pas très en forme. Hein. C'est pas les mêmes horaires. Hein. Voilà. Audrey, Fab et Sandro de Fun Radio qui sont rentrés dans ce studio. Ça fait plaisir. Bonjour. Et le boss, vous a laissé venir parce que la dernière fois que moi je suis venu, on m'a gardé. Hein. Regardez où je suis cette année. Ouais, en fait, c'est ce qui aimerait bien qu'ils arrivent. Ouais. C'est ça. Ah ben, ça fait plaisir que vous soyez là. Vous avez juste foutu le bordel hein, quand même. Oh, ça va, c'est bon. Ils sont rentrés. Comment ça s'appelle avec des espèces de confettis? Il y en a partout sur la console. Cyril, on en parle du bordel ou pas? C'est ça, quoi. Parce qu'on est chez toi et du coup. Je vous explique, c'est Sarah qui s'occupe du rangement de ce studio. Voilà, je balance. C'est de sa faute si c'est très mal rangé. La balance. En fait, elle s'en occupe pas, quoi. Non, mais c'est ça. Non, mais alors, sérieusement, c'est vrai que c'est le bordel. Si vous êtes en train de nous suivre en télé, il y a des trucs de partout dans ce studio. Mais c'est tous les petits cadeaux qu'on reçoit. Où est le chat? Où est le chat? Il y a un cadavre de chat en dessous des chèques. Il est sous les pluches. Le chat, il est en train de s'éclater là-bas sur les rondins de bois qui sont dans le studio. Il est en train de faire ses griffes. Il s'éclatait pour une fois. Joli bricolage. Hein. On a suivi ça. Montage du banc. En ce moment, en direct. Des échardes dans les mains, c'est atroce. Ah, à propos de Olivier Cole qui est là, ton totem, c'est moustique. Exactement. Tu m'expliques pourquoi j'ai été piqué 2 fois par un moustique cette nuit? Non, je t'explique pas, non. C'est toi? Tu veux vraiment que je t'explique? T'es venu me piquer pendant que j'en vais. Il va falloir mettre le carré blanc. Hein. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, même si c'est la nuit, on compte sur vous. Viva4life.be pour faire vos dons, pour choisir la musique. Vous partagez la musique qui a du cœur et ensemble, on va arriver à faire exploser ce compteur 2 100 000 euros l'année dernière. C'est beaucoup, c'est bien, mais on va c'est très bien. Bon, vous êtes venu pour faire quoi? Foutre le bordel. Ah, oui. Il y avait de la lumière, on s'est dit, bah, c'est cool. Non, on a prévu plein de surprises, des défis pour toi. J'ai déjà un défi, bon, alors vos défis, ça arrivera quand j'aurai fini de monter. Mais ça sera bon. Bien pire que ça. Bien, j'ai déjà les doigts ensemble. En fait, vous avez participé aux épreuves de la totémisation. Oh, on peut aussi, ouais. Ouais, d'accord. Sans c'est souci. Si vous nous rejoignez, c'est la soirée scout, soirée feu de camp. Ouais. Et je me suis rendu compte d'un truc. C'est que les scouts, ça sert à un truc. Les parents, ils vous inscrivent au scout pour vous perdre dans les bois. Et si vous êtes là, c'est parce que c'est le truc à rater. Parce qu'on a suivi les petits cailloux. C'est donc ça. Il y a un moustique dans ce studio qu'on l'abatte. Ben, il est là. Il est là. Non, mais l'autre. Bon, bref, on est en direct et vous choisissez la musique, même au milieu de cette nuit, avec tout de suite la jument de Michao. Vous vous souvenez de ça? Oh là là. C'est un chant breton repris par Nolwenn Leroy. Elle avait fait un album avec que des classiques bretons. Qui est cette personne? Ah bah oui, c'est, tu fais très bien le cheval. Wow, hey, y a du budget, voilà. Un gros bruitage. C'est impressionnant. Tu fais très bien le cheval et on rappelle que c'est la nuit de l'orgasme. Vous faites le lien si vous voulez ou pas. Les talons. Ah, c'était en hier, même temps, c'était moustique à l'envers. Voici Nolwenn Leroy, la jument de Michao. Ça a été demandé par Loulou de Spa et qui nous donne 40 euros. Hey. Merci Loulou. Et tu vois, yeah. Je vois un chorégraphie ici dans ce studio pendant qu'on écoute Nolwenn Leroy. On revient en direct juste après. Bienvenue tout le monde. C'est dans 10 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 10 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Michao et son petit poulain a passé dans le pré et manger tout le foin. La jument de Michao et son petit poulain a passé dans le pré et manger tout le foin. Anne Leroy, la jument de Michao, à l'instant dans Viva for Life sur Vivacité, en direct sur la Une en télé. Coucou à tous ceux qui sont en train de nous suivre en pleine nuit, bienvenue à vous, on continue à communiquer d'ailleurs sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous commenter cette soirée en direct, cette soirée feu de camp avec le hashtag Viva for Life. Il y a l'équipe de Fun Radio, Audrey, Sandro, Funky Fab qui sont arrivés. Bonjour tout le monde. Si vous pouviez laisser ce studio entier avant de partir, ce serait pas mal. Non, mais t'as vu dans quel état il est? Non, mais on a inventé un nouveau sport en fait, il s'appelle le Christmas Volley. Le Christmas Volley, ça se joue avec des boules de Noël. Fab, viens, on va jouer avec les boules de Noël. Ça s'appelle le volley boule. Attention, vous trempez pas de boules quand même. L'équipe de Fun, est-ce que vous avez fait les scouts? Non, pas du tout. Non, aucun de vous trois. Le short m'allait très mal, même enfant. Vous avez fait un truc, vous avez fait. Vous êtes allé vous balader dans les bois et vous avez fait des bancs en bois? Non, j'ai joué à la console. Vous aussi. Canapé au chaud. C'est ça, sans attraper une maladie parce que vous allez vendre des calendriers avec des chats dans la rue. Voilà, exactement. Non, mais on vous admire par contre, hein. Franchement, c'est très bien le banc. Je vous encourage. Moi, il y a un tout petit peu de foutage de gueule, je crois. Non, pas du tout. Non. C'est un compliqué. Je crois qu'on est un peu mis en minorité dans ce studio. Vous voyez Muscardin qui on est en a quatre à temps de la miser, du coup. Vous voyez Muscardin en direct à la télé qui est en train de monter ce banc. Alors, lui, il est en train de faire ça nickel avec le brelage qui est bien fait, tout ça. Alors que moi, j'ai mis des cales de bois pour que le banc puisse tenir à peu près. Enfin, une bûche carrément, quoi. Oui, j'ai mis une grosse bûche et puis des petites cales de bois pour maintenir plutôt que d'attacher avec de la corde. C'est pas du brelage, c'est du calage. Bah oui, pour le moment, ça tient. N'hésitez pas à suivre tout ça en direct sur les réseaux sociaux. De là à dire que Cyril s'en cale. Oh, joli. T'imagines, tu fais Koh-Lanta avec un scout, le gars, la première chose qu'il fait, il fait un banc. Oui. Pourquoi tu fais un banc? Je sais pas, fais un banc, quoi. Surtout, vous pouvez commenter cette soirée avec nous et nous dire à quoi ça sert de créer un banc à chaque fois. Vous savez qu'il y a des trucs, par exemple, de pêche là que vous pouvez déplier, c'est assez facile, hein, c'est léger, vous pouvez transporter à chaque fois. Hein. Mais là, on n'a rien à brûler à la fin du camp. Non, c'est vrai. Mais vous brûlez vos bancs à chaque fois? Eh bien évidemment. Et t'imagines toi quand tu déménages, c'est ouais. Chaque fois il y a un incendie. Mais c'est plus rapide au moins. Chérie, apporte le feu, on déménage, on doit brûler l'appartement. C'est pratique. Voici Woodkit, I Love You. Et c'est un morceau qui a été choisi sur yaforlife.be. C'est 15€ de plus qui rentre dans la cagnotte. Merci, la bonne humeur est au rendez-vous et cela fait plaisir de vous suivre pendant cette douce nuit. Merci à Sarah d'être toujours aussi rayonnante. Vous êtes tous merveilleux. Elle est partie faire dodo Sarah, mais on lui transmettra le message. We are shining in the rising sun. As we are floating in the blue, I am softly watching you. Oh boy, your eyes betray what burns inside you. Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is there any chance you can see me too? I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you. Where are you? Drifted ashore through the streams of oceans. Whispers wasted in the sand. As we were dancing in the blue, I was synchronized with you. But now the sound of love is out of tune. Whatever I feel for you, you only seem to care. Is there any chance you can see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I lost every trace of you. for you. He only seemed to care about you. Is there any chance you could see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways of love, there's every trace of you. Oh, where are you? Woodkick, I love you, c'est bien ça en pleine nuit. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est Viva for Life pendant encore 40 heures, 52 minutes et 41 secondes. Le banc Muscardin, comment ça se passe? T'es en train de le monter correctement? C'est le défi qui m'a été lancé il y a une demi-heure. En fait, une demi-heure. Et t'as déjà sous-traité. Oui. Cyril, c'est un éleveur de scouts. Ouais, c'est ça. Il a dressé des scouts pour faire les bancs à sa place. Muscardin, je te donne des calendriers tout à l'heure, tu me rapportes tout ça, on met dans la cagnotte. D'accord? Et vends bien, s'il te plaît. Et tu mets ton t-shirt, parce que là, t'es en jean, ça va pas, t'es pas un vrai scout. On a les ciseaux, hein, s'il faut. Pour faire... ah quand on arrivait aux réunions de scouts comme ça, il y a les ciseaux qui sortaient, même en plein hiver, et clac, enfin, je crois que l'hiver cette année, on s'en fout un peu, mais. Oui. Mais justement, raison de plus, il fait un peu chaud. Qu'est-ce que vous pensez, équipe de fun? Vous lui feriez pas un short tout à l'heure? Oh, si, on peut faire ça. On peut le faire tout de suite d'ailleurs. Muscardin, soit Muscardin, on va te faire un short. Soit t'as un short tout à l'heure. Non, c'est par téléphone. Mais vous savez, il y a des gens qui. Avec la technologie aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'ils sont sur place tellement le son est bon. Allô, bonjour, bonsoir, qui est là? Allô, ouais, tu parles, ouais, la Franco. Technologie. Oui, allô, oui. La technologie marche pour rien. Comment ça va, Franco? Très bien, très bien. Tu nous appelles en plein milieu, au plein milieu de la nuit. Ezo. Ezo, Franco. C'est où? Ah, près de Charleroi, donc t'es près de chez nous. Ezo d'Anvers. Oh, non, mais sûr. Cette soirée va être difficile, hein, j'ai l'impression. Oui, en effet. Dis-moi, Franco, est-ce que tu as déjà monté un banc dans les bois? Ne fais pas peur. Un banc dans les bois, oui. Ouais. Parce qu'on a aussi le banc en BAN, mais aussi le banc en BANC avec des cordes et des bois. Et, ah, t'as été scout alors, Franco? Disons que c'était l'opposé, c'était le patron. Enfin, et quoi, les scouts et le patron, c'est le combat, c'est la fight? Oh, il y a. De mon temps, oui, c'était soit les scouts, soit patronné. Moi, j'ai toujours été patronné, mais enfin, voilà. D'accord, quoi, moi j'aime bien être patron. Bon copain des deux côtés. Parce que t'es patron, toi. Ouais, moi je suis patron. C'est comme ça que Muscardin fait le banc à ma place. Franco, t'as demandé une chanson, qu'est-ce que tu voulais écouter? Michel Balavoine, je ne suis pas un héros. Alors on a Daniel, est-ce que ça va aussi? Michel. Non mais on pourrait prendre Daniel Polnareff sinon. Si on a pas... Ça te va? Ok, comme t'as le plus facile. On a appelé Michel Balavoine, mais il n'était pas dispo, donc. C'est ça. Enfin, Daniel, on l'a essayé de l'appeler, mais pas la chanson, c'est Marie-Lou, ma fille, ma bataille, c'est ça. Fallait pas qu'elle s'en aille. Non. Franco, merci d'avoir fait un don. Merci Franco. Merci d'avoir été Franco avec nous. Hein. 40 euros qui sont ajoutés à la cagnotte. Ça va être comme ça toute la nuit? Oui. J'ai trop passé du temps avec Bruno Coppens. On fait un point sur le défi du banc dans un instant. L'équipe de fun, vous avez préparé un autre défi aussi? Oui, on va se faire un bam dans ta face. Pardon? Il y a de la crème fraîche, il y a une catapulte, je vous en dis pas plus. Qu'est-ce que c'est le bam dans ta face? Faut ben, se non. Chaud, là. Non, c'est une petite catapulte. On va mettre de la crème fraîche dessus et puis à un moment donné, la catapulte va s'actionner et bam dans ta face. Est-ce que la crème fraîche est considérée comme liquide? Parce que on ne peut pas manger ça. Non. On peut pas manger. Double défi pour vous. Non, on l'a mis salé exprès pour que ce soit dégueulasse. Voilà. Voici Daniel Balavoine, je ne suis pas un héros. Michel Balavoine. Pardon. Dans l'âme, le froid de la lame qui court chaque jour me pousse un peu plus vers la fin. Je monte sur scène comme on prend le dernier train. Même les soirs de drame, il faut trouver la flamme qu'il faut pour toucher les femmes qui me tendent les mains, qui me crient qu'elles m'aiment et dont je ne sais rien. Aujourd'hui, je suis fatigué. C'est emporter tous mes chagrins. Et je me dis qu'elles rêvent, mais ça leur fait du bien. À coup de poing dans l'âme, j'ai trouvé la trame qu'il faut. Pour mourir célèbre, il ne faut rien emporter. Que ce que les autres n'ont pas voulu garder. Sur la fin quand même. Oh, mais ça ressemble quand même fort à Daniel Balavoine. Hein. Oui, mais c'était Michel Balavoine, comme nous l'a demandé Franco. Vivaforlife.be pour choisir. Choisissez la musique, elle a du cœur et on la partage ensemble et vous faites vos dons au passage. 0800 30 007, ça c'est le call center, mais ça sert à rien que je vous donne le numéro, il est fermé. Il y a un moment on passe en mode automatique. Hein. Mais essayez, vérifiez qu'il est fermé, on sait jamais qu'il y a quelqu'un qui décroche, sinon vivaforlife.be pour choisir la musique. Nouvelle chanson, dans un instant on écoutera Coldplay Sky Full of Stars. C'est Samuel qui a demandé de l'entendre, c'est 50€ de plus. Merci Samuel. On se fait ça dans quelques minutes. Avant ça, l'équipe de Fun Radio, Audrey, Sandro, Fab sont venus avec un défi. Et ouais. Le bam dans ta face. Le bam dans ta face. Il n'est pas question de se battre. Il est question de faire quoi? Il y a un truc bizarre et de la crème fraîche. Ouais. En gros, il y a une catapulte, d'accord, ouais, sur laquelle on va mettre de la crème fraîche. Vous allez déposer votre joli menton dessus, ouais, actionner une manivelle et à tout moment, en fait, la catapulte peut se déclencher et vous recevez la crème fraîche dans votre visage. Face. Voilà, dans ta face. Alors, ben, je vais prendre l'appareil ici, alors. Allez, go. Oui, t'es sûr? Oui, oui, je suis sûr parce que sinon. La technique est fragile. Ah, ben non, c'est vrai, on va pouvoir filmer, c'est vrai. Il y a quand même de la crème fraîche, donc. Voilà. Je décline toute responsabilité. Ouais, c'est ça. On n'en met pas sur toutes les machines. Allez, je prépare. Alors, Olivier, Nicolas Xavier Ladouce, vous commentez? Allez. C'est parti. C'est parti. D'accord. Si la crème fraîche est déposée sur la tape d'une bam dans ta face. Ah, parce que oui, il faut que vous affrontiez quelqu'un, Cyril. Hein, vous ne pouvez pas le faire tout seul, il faut être deux. Hein. Bah, du coup, il faut quelqu'un d'autre qui vienne jouer avec Cyril. Qui se dévoue, voilà. Vas-y. Allez, c'est parti. Nicolas Xavier Ladouce vient de se dévouer. Vous est-ce allez qu'il risque de prendre la crème fraîche également? Vous allez actionner chacun à votre tour la manivelle une fois, d'accord? Et puis à un moment donné, la catapulte va se déclencher. C'est parti, Cyril. On laisse le menton sur. On ne triche pas. Go! La première fois. En avant, en avant, en avant. Voilà. Ah, ça y est. Je précise qu'on n'a pas pu tricher avec ce truc. Hein. Non. C'est on a complètement pas triché. Aléatoire, mais oui, non, on non, le non. Croit. C'est vraiment. Le pire, c'est qu'on me dit en plus dans l'oreille, je n'ai pas le droit de manger. Quoi. Non, il faut pas lécher la crème fraîche, il faut résister. Voilà. Allez, on se refait une deuxième manche parce que ça a été trop facile. C'est reparti, vas-y. Allez, quoi. Ah non, ça c'est de la triche, commencez pas comme ça. On avait dit pas de bataille. Je sens. Allez, c'est parti, on recommence. C'est bizarre, Cyril, on dirait qu'il a tourné dans un film mais qu'on peut pas montrer. On dit merci qui? Merci Jackie et Michel, voilà, allez c'est parti. Une fois, voilà. Maintenant on échange les places. Non, il faut partir monsieur. C'est trop facile sinon. Allez, hop, c'est Nicolas parti. Xavier. On pose le menton. Menton sur le bam dans ta face. Cyril, non, on passe à. Cyril a triché, il a actionné plein de fois la manivelle. Ah bah oui, mais ça c'est pas bien de tricher, c'est pas beau ce que vous faites. Elle est bien compacte, hein, par contre. Elle tient bien. Alors, ça fait quoi? Mais c'est... Vous êtes content de nous voir, hein, ça fait plaisir. Est-ce qu'on ne devrait pas inventer un petit jingle? Le bam dans ta face. Vous suivez le bam dans ta face. Toute la nuit sur Vivacité. Sérieusement, ça brûle les yeux. Ah oui, on a pris de la crème fraîche périmée. On a pas eu le temps d'aller en acheter de la nouvelle, alors voilà. Non, mais il y a de l'acide dedans, c'est pas... Non, pas du tout. Voilà, quelques jours, quoi. Voilà, non, ça, mais c'est après, la transpi quand on se l'a pas pendant une semaine. Ah non, mais c'est dingue. Vraiment, ça brûle les yeux. Attends, les collecteurs. J'espère qu'il y a quelqu'un qui a un truc pour nettoyer. On a payé en francs quand on l'a acheté. Voici Coldplay et Avicii. Sky Full of Stars. Faites les malins, vous allez passer aussi avec la crème fraîche, l'équipe de Fun Radio qui est avec nous cette nuit. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. C'était Coldplay qu'on écoutait, qui a été choisi par Samuel de Avlange. Salut Samuel, 50€, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et une chanson un peu particulière dans un instant, qui représente bien les scouts. Mais je vous dis pas plus, ce sera dans quelques minutes. Il y avait une séance de bam dans ta face organisée par l'équipe de Fun Radio. Ouais. On va se prendre la revanche. Il l'a mauvaise. Ouais. Ah, il est pas content. Nicolas Xavier, t'en as eu aussi, ça va? La crème fraîche ouais, dans ta ça face. Ça va, ouais. La mitraillette là. T'aimes bien ça? Mais oui. Tu es beau avec de la crème fraîche sur la c'est tête. C'est bizarre dit comme ça. On va faire le jeu du femme dans ta baffe maintenant. Alors on va faire un point du côté du banc, puisque tout à l'heure il y a une heure il y a un défi qui m'a été lancé, c'est construire un banc avec des bouts de bois et de la corde. Muscardin est en train de glander parce que ça n'avance pas très vite. Et alors on va aller à la boîte aux lettres. Il y a Vincent qui travaille avec nous sur Vivacité. Ah ouais. Et qui est d'habitude ouais. dans les coulisses de Vivacité. Bonjour Cyril, bonjour Cyril. Salut Vincent, ça va? Salut, Vincent. Ah, aujourd'hui tu peux m'appeler au rock, hein, c'est mon totem donc voilà, ça marche. Au rock. Ouais, ouais, voilà, d'accord. C'est cadeau. Ouais, c'est... Alors, toi qui as monté des bancs. C'est le même aussi. Que ma voisine. Au rock voisine. Bien joué, bravo, bravo. On peut toutes les faire d'un coup, hein, comme ça, ça fait. Hein. Est-ce que tu peux faire un petit point, un commentaire à l'équipe qui est en train de monter ce banc? Mais en fait, je m'inquiète un peu parce que je pensais avoir donné toi la meilleure équipe avec vous. Et en fait, quand je vois l'état d'avancement, après, je pose un peu des questions. Après, le bam dans ta face, mais... et le banc dans ton taf. Faudrait que Cyril a bien mis le white dans le banc aussi, oh, ouais. À un moment donné. Et surtout, je demandais au garde en disant, bah, tiens, ça ressemble à quoi? Il m'a dit, mais ils font quoi? Un banc pour un tigre? Je fais, non, c'est pour le chat. C'est vrai que ça ressemble plus à un arbre à chat qu'à un banc pour le moment. Tiens, mais... Vincent, comme tu es devant la boîte, oui, tu vides tes poches? Bah oui, mais j'ai déjà fait des dons et tout, hein. J'ai acheté des. J'ai acheté deux nounours, allez, un casque. Allez, bah regarde, je termine, voilà, 10 euros. J'ai plus rien d'autre. Je vais mettre un labello, mais on va pas aller loin avec ça. Ça sert à rien. C'est l'hiver. En même temps, c'est important. Il faut en avoir. Merci, voilà, Vincent, je mets les derniers 10 euros. Voilà, c'est cadeau. C'est cadeau. Très gentil. Voilà. Et surtout, tenez le coup. Hein. Et maintenant, il va payer le taxi avec un labello. Et toute l'équipe qui est derrière aussi. C'est ça. Toute l'équipe qui est derrière aussi. On les remercie. Parce qu'il y a du monde qui bosse derrière Via For Life. C'est 150 personnes qui sont dans notre dos. Et je peux vous dire que 150 personnes dans le dos, ça fait peur. On a envie de pour le moment, c'est 150 personnes qui sont au lit. Les filles, ça va, ça fait pas mal. L'équipe de Fun Radio. Qu'est-ce qui se passe? Il a quand même dit que ça allait pas faire mal. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais... Ah, tu as envie? Attends, j'ai une autre musique. Et c'est la journée de l'orgasme, hein, il faut en profiter. Hein. Ah, c'est pour ça, alors le vent. Voilà. Tu as quelque chose à dire, Vincent? Oui, alors je trouve qu'effectivement, il faut profiter de la journée parce que c'est une journée spéciale aujourd'hui. Mais ça sert plus rien à glisser dans la fin. J'ai cru. Dommage. Que veux-tu glisser, Vincent? Ça s'arrêtait à minuit, la journée de l'orgasme. Bon, on revient avec l'équipe de Fun Radio qui a fait... Salut, on revient avec l'équipe de Fun Radio qui a lancé un défi tout à l'heure, c'était jouer au BAM dans ta face. On va le refaire maintenant en live, le BAM dans ta face avec vous. Vengeance, c'est normal Nicolas. Oui, c'est tout à fait normal, je trouve ça vraiment. C'était pas du tout prévu. Un juste hein, retour des choses. Non, le je suis pas BAM dans ta face. C'est Audrey qui a eu l'idée, c'est avec elle que vous devez vous manger. D'accord. Je propose qu'on le fasse aussi avec notre caméraman dans un instant. Parfait. C'est pas mal ça. Bon. Il est où? Il s'est barré. Il est sous la table. Ne te cache pas, reviens. Le temps de retrouver notre caméraman et on ferait la vengeance du BAM dans et ta avec face. Et avec Cubi aussi. Cubi. Tu mets une souris à la place de la crème fraîche. Ce sera après Rick Azaray dans Via For Life. Sans chemise, sans pantalon. La chemise enlève ses haillons pour nous faire un beau papillon. Sans chemise, sans pantalon. Quand on rêve de faire amoureux, tu sais bien qu'on est toujours mieux. Sans chemise, sans pantalon. Ce soir, nous irons danser. Sans chemise, sans pantalon. Ce soir, nous irons danser. Sans chemise, sans pantalon. Le soleil de la mer au loin est en train de prendre son bain. Sans chemise, sans pantalon. Ça ne gêne pas ses voisins. Une mouette et quatre dauphins. Sans chemise, sans pantalon. Ce soir, nous irons danser. Sans chemise, sans pantalon. Ce soir, nous irons danser. Sans chemise, sans pantalon. Qui n'a pas rêvé dans sa vie de plonger dans l'eau à minuit. Sans chemise, sans pantalon. Pour vous faire aimer ma chanson, je donnerai sans hésitation ma chemise, mon pantalon. Ce soir, nous irons danser. Sans chemise, sans pantalon. Ce soir, nous irons danser. Sans chemise, sans pantalon. Ce soir, Peut-être essayer de rester habillé quand même un petit peu ce soir. En direct sur la ville, en direct sur le live center rtbf.be. Rika Zaraï, c'est 5 euros qui rentrent dans la cagnotte du Up for Life. Merci à Anthony de Bruxelles qui a choisi qui d'écouter cette chanson. Qui a dit ça vaut chanson. Pas plus. Moi je l'ai pensé très fort, mais. Merci. C'est tellement fort qu'on l'a entendu, tiens. Choisissez la musique vivaforlife.be tout au long de la nuit. On est avec Nicolas Xavier Ladouce, Olivier Nicole, Muscardin et Fadi qui sont en train de monter un banc. Ça n'avance pas très vite, les gars, ça fait plus d'une heure. Fadi, son totem c'est dauphin. Oui. C'est pour ça que tu es habillé en bleu. Dauphin Dragster. Ça veut dire qu'il ne faut pas l'énerver parce que sinon il monte en wheeling. Hein. D'accord. Ben on verra ça tout à l'heure s'il s'énerve ou pas. Les gars, l'imitation. Les gars, ça, c'est pas un banc. Hein. Ça, c'est un ambulatoire pour vieille dame. Hein. Oh on fera un point sur le banc tout à l'heure. L'équipe de Fun Radio qui est venue avec le BAM dans ta face, c'est un jeu où on met de la crème fraîche, on tourne une manivelle et puis à un moment ça déclenche. Il y a une catapulte. Voilà. Alors, vous allez y passer parce qu'il n'y a pas de raison. Si. C'était pas du tout prévu comme ça. C'est quoi cette arnaque? Mais avant, nous allons jouer avec Warren. Avec le caméraman. C'est notre caméraman. Warren, viens poser ta caméra, viens casser ta caméra dans le BAM dans ta face. Il a l'œil trouble, Warren. Alors, qui déclenche la manivelle? Oui, c'est Audrey. Moi, avec plaisir. Allez, Audrey, vas-y. Alors, allez, le principe, parti. Réexplique le principe de ce jeu, le BAM dans ta face, Audrey. Donc, il y a une catapulte avec de la crème fraîche dessus, il y a une manivelle, on l'actionne et à tout moment, en fait, la catapulte va se déclencher et balancer de la crème fraîche sur le caméraman. Remets un coup de crème fraîche, il n'y en a pas assez. Bah oui, mais c'est ça, mais Cyril, okay, mais sinon, il y a assez. Bah, on va en remettre quand même. Ça, c'est un peu bisounours, ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Dans le pire des cas, on tue une caméra, c'est quoi une caméra? Bah oui. Allez, hop, c'est parti. Go. Premier tour. Ah, bah évidemment, t'as visé tout sauf la caméra. Ce qui est génial. Qui a été malade? Nicolas Xavier, utilise la petite caméra qui est là devant toi. Regardez-moi ça. C'est que la caméra était protégée avec un film plastique et évidemment, c'est au-dessus que la crème fraîche est allée se mettre. On vous montre tout ça si vous nous suivez sur internet, sur le live center rtv.be et sur la une en télé. Dans quelques secondes, vous devriez avoir l'image. Ça va? Elle est pas cassée ta caméra? Caméra du coup, Warren. C'est mal parti quand même. Hein. Regardez comment il y en a partout sur la caméra. Ouais. Si on avait voulu le faire exprès, on n'y serait pas arrivé. Vous nous donnez l'adresse de Fun Radio pour qu'on envoie une facture pour une caméra 33 avenue Télémac. Et on va pas gâcher tout ça, on va le mettre dans ton prochain milkshake. Hein. Bien sûr. On continue cette soirée feu de camp ici en direct sur la une, sur Vivacité, sur le live center rtbf.be avec des surprises. Fun Radio, vous avez apporté des cadeaux ce soir. On est venu avec plein de cadeaux. Il y a des journées bien-être, journées chez le coiffeur aussi. Chez le coiffeur. C'est quoi ça, message ou quoi? Il n'y a plus assez de cheveux avec celui qui a besoin de toute une journée chez le coiffeur en même temps, il y a du travail.